à toutes et à tous qui nous écoutez sur Radioactive. Vous nous retrouvez pour une nouvelle édition du Mag d'Actu. La ville d'Amboise est engagée dans la démocratie participative. Elle a ouvert depuis ce 15 mai une plateforme dédiée à la concertation avec les concitoyens afin d'encourager et soutenir leurs projets. Pour tout nous expliquer de cette plateforme, j'accueille Lionel Chisson. Bonjour Lionel. Bonjour Marlène. Alors Lionel, est-ce que vous pouvez nous rappeler les multiples compétences que vous avez sur votre casquette ? J'ai la compétence, on va dire, pour faire le plus simple, hein, culture, patrimoine, qui nous concerne un petit peu aujourd'hui, également la médiathèque, également l'éducation populaire, très important, et puis la démocratie permanente ou participative parmi mes différentes attributions. Et c'est ce qui va faire le sujet de cette émission aujourd'hui, puisqu'on va parler de cette plateforme. Plateforme qui était d'ailleurs un des arguments de campagne. Oui, c'était un engagement de campagne. Donc c'est une plateforme qu'on porte aussi avec Isabelle Gaudron, hein, qui est conseillère municipale et qui travaille aussi beaucoup sur le sujet. L'objectif de la plateforme, mais plus généralement, c'était d'avoir une mairie plus proche de ses concitoyens. Donc la plateforme, c'est un des outils qu'on s'était engagé à mettre en place. Mais bien évidemment, c'est un outil complémentaire. On fait des réunions publiques, on travaille avec les associations, on rencontre nos concitoyens. Et c'est un outil complémentaire pour aller un petit peu plus loin, peut-être toucher d'autres publics que ceux qu'on a l'habitude de voir. Pour être en contact, recueillir l'avis, éventuellement travailler sur des projets. Le gros dossier à venir, ce sera, on en parlera sûrement tout à l'heure, le budget participatif. Oui. Donc voilà, un peu l'objectif de cette plateforme, un outil complémentaire nécessaire pour bien travailler cette concertation et recueillir l'avis tout le long du mandat, pas seulement au moment des élections. C'est important d'être en phase avec nos concitoyens, avec les habitants du territoire, les habitants de la ville, par rapport à un certain nombre de projets sur lesquels on leur demande leur avis. Voilà. Alors c'est un outil numérique. Oui, tout à fait, c'est une plateforme numérique. Donc on peut y accéder en allant sur je participe en un seul mot, .ville-du6amboise.fr. Donc il y a un certain nombre aujourd'hui d'informations qui sont données. Il y a une première consultation pour lancer la plateforme sur un sujet patrimonial, on pourra en parler aussi un petit peu. Et puis, il y aura après d'autres applicatifs petit à petit qui vont se mettre en place, et notamment le sujet du budget participatif qui interviendra sur la fin de l'année, on va dire. Il y a également des rendez-vous qui sont accessibles sur cette plateforme, notamment des rendez-vous nature pour pouvoir participer à l'observation des espèces. Voilà, et tout à fait. Il y a des rendez-vous pour l'inventaire participatif. Au début du mois de juillet, il y a aussi tous les rendez-vous que l'on fait dans l'ensemble des quartiers d'Amboise. Hein. Mm-hmm. On a toute une phase d'un nombre relativement important de réunions d'élus auprès de la population. Et elles sont bien évidemment indiquées dans la plateforme. C'est aussi une façon d'informer les gens via cette plateforme. Il y a aussi cette fonction d'information, bien évidemment. Alors, la première consultation des citoyens qui est en ligne, c'est le nouveau nom du musée de l'Hôtel Morin. Mm-hmm. Expliquez-nous un petit peu cette démarche. Alors, la démarche, elle s'appuie sur un projet scientifique et culturel, qui est un document un peu obligatoire pour un musée. Et puis, en fait, on s'est aperçu que le nom avait certaines vertus. Ça a permis de mettre en lumière le personnage de Pierre Morin, qui a lancé la construction du bâtiment, qui ne l'a pas fini, puisqu'il est mort avant la fin. C'est sa femme, Françoise Prévost, qui a fini le bâtiment. Pierre Morin, qui n'est pas assez connu des Amboisiens, selon vous ? Il l'est un petit peu, mais enfin, avant que l'hôtel s'appelle Morin, je ne suis pas sûr que tout le monde savait qui c'était. Et c'est vrai que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est par rapport au public. On se retrouve avec un nom qui ne parle pas beaucoup. Musée-hôtel, c'est compliqué. Les gens ne savent pas trop. C'est un hôtel, un musée. C'est quoi ? Et puis Morin, Pierre Morin, c'est le nom d'un personnage. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce musée ? Est-ce qu'on va parler de ce personnage ? On en parle très peu quand même, parce qu'on sait très peu de choses sur lui, tout simplement, aussi. Donc c'était ça l'idée, c'était de dire on va garder le bâtiment avec ce nom, on va garder le nom Hôtel Morin pour le bâtiment, et puis par contre on va donner un nom de musée pour ce qu'on y trouve à l'intérieur, sur lequel on va communiquer auprès des touristes, auprès des habitants d'Amboise, qui sera beaucoup plus signifiant par rapport à ce qu'on trouve dans notre musée. Mmh. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir un nom qui correspond à l'identité. Alors les propositions qui sont faites et actuellement en ligne, elles ont été définies comment ? Alors, pour partie, c'était des propositions qui émanaient du service. Et pour partie, on avait demandé lors de l'inauguration du nouveau parcours, puisqu'on a renouvelé notamment la salle des mariages et puis quelques salles aussi qui ont été retravaillées. Il y en a d'autres encore à venir. Lors de cette inauguration, on a demandé aux gens qui étaient là de proposer des noms. Et puis après, on a sélectionné donc 4 noms qui correspondent vraiment à cette idée d'un nom qui colle avec une identité et qui puisse permettre aux gens de savoir un petit peu ce qu'ils vont venir voir s'ils s'intéressent au musée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour être allé sur cette plateforme, regarder un peu ce qui s'y passait, je me suis rendu compte qu'on pouvait participer même si on était hors commune. Oui, il n'y a pas d'obligation d'être absolument de la commune d'Amboise. Alors, par contre, il faut créer un compte. Mm-hmm. Donc, l'objectif, c'est quand même d'avoir une certaine fidélisation et petit à petit de développer la plateforme et d'être vraiment sur un outil régulier d'information et de communication avec les habitants. Mais il n'y a pas d'obligation d'être forcément de la commune. Je crois qu'on demande sur cette consultation-là la commune dont on est originaire. Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant. C'est facultatif en plus, je crois. Oui, et anonyme. Oui, oui, bien évidemment. On peut mettre un pseudo, mais après, il y a quand même une adresse mail à mettre. L'objectif, c'est de créer un lien régulier avec la population, donc qu'il y ait un certain nombre de comptes. Après, il peut y avoir des gens du territoire qui s'intéressent à ce qui se passe à Amboise, qui puissent participer à une votation. Sur d'autres projets, par exemple, comme le budget participatif, ça sera peut-être un petit peu plus restrictif, puisque là, ça engage aussi des financements, etc. Mais là, sur un projet de votation, on n'a pas voulu limiter. Après, on ne fait pas non plus... On n'a pas voulu mettre du vote papier en plus, etc., pour absolument avoir un nombre très très important de votants, parce qu'on pourrait mettre une urne dans le musée, tous les gens qui viennent au musée, ils votent. L'objectif, c'est quand même de lancer la plateforme et d'interroger principalement les Amboisiens et les habitants plus largement du territoire qui s'intéressent notamment au patrimoine, pour qu'ils donnent leur avis sur le nom du musée. Mais je trouve qu'il y a une pertinence aussi, enfin, je parle à titre personnel, pour toutes les personnes qui travaillent à Amboise, qui se sentent amboisiens, de fait, mais ne sont pas, n'ont pas leur adresse à Amboise et qui peuvent quand même donner leur avis. Oui, et puis après, je vous rejoins totalement là-dessus. Il y a plein de gens qui se sentent amboisiens et qui habitent dans les communes aux alentours. Je veux dire, c'est le territoire pour la plupart des gens de ce territoire, qu'ils habitent Lussot, Possé, Amboise ou Saint-Règle, ils se sentent amboisiens au sens général, tout en sachant très bien qu'ils habitent aussi sur une petite commune, ou plus petite commune en tout cas, qui est à côté. Donc ils peuvent bien évidemment s'y intéresser. Et parmi les gens qui s'intéressent au patrimoine à Amboise ou qui viennent au théâtre à Amboise, il y a beaucoup de gens des communes tout autour. Oui. On rayonne sur tout le territoire. Moi, je pense qu'il ne faut pas être restrictif. C'est vrai que notre objet principal, c'est de communiquer et de demander l'avis aux amboisiens, mais on a une vision quand même un peu large des choses, surtout sur une votation comme celle-là. Alors, vous avez évoqué à venir un budget participatif. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette projection ? Alors, normalement, le budget participatif, on est en train d'arrêter les derniers arbitrages parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses à décider, qui peut faire, comment, etc. Et on devrait pouvoir lancer déjà une première phase qui est une phase de recueil des projets, probablement à la rentrée. Et puis après, il y a toute une phase d'études. Parce que bien évidemment, il faut regarder la faisabilité, est-ce que ça rentre dans les budgets. Et puis après, il y aura une phase de votation, où là, on demandera à nos concitoyens de désigner quels sont les projets qui leur semblent les plus intéressants. Il y a déjà un budget qui est alloué, non ? Oui, il y a un budget de 50 000 euros qui a été défini pour justement le budget participatif. Donc après, c'est de savoir est-ce qu'on limite, exemple, est-ce qu'un seul projet pourrait faire 50 000 euros ? Ou alors est-ce qu'on souhaite qu'il y en ait au moins, par exemple, je ne sais pas, ça c'est des choses qu'on est encore en train de travailler, 2-3 minimum. Est-ce qu'on limite en termes de budget les projets ? Voilà, c'est des vraies thématiques qu'il faut qu'on arbitre, donc on est en train de travailler dessus. Une fois qu'on sera complètement prêt, on lancera donc une première phase pour le recueil des projets. Et puis après, une deuxième phase donc, d'étude. Et puis pour ceux qui seront réalisables, une phase de vote. Vote qui sera sur la plateforme ? Bien sûr. L'objectif de la plateforme, c'est de recueillir les projets. La faisabilité, bien évidemment, elle se fait en dehors. Et puis après, le vote, il se fait aussi via la plateforme. Oui. Alors, les auditeurs qui nous écoutent et qui auraient un projet en tête peuvent commencer à se renseigner ? Bien sûr, ils peuvent commencer à réfléchir à leurs projets. Alors, on est sur des projets d'intérêt général, qui peuvent concerner peut-être leur quartier, peuvent concerner peut-être une association. Donc oui, ils peuvent tout à fait se dire peut-être que mon projet il pourrait être éligible. C'est une façon aussi d'envisager, d'améliorer le cadre de vie ou plein d'autres choses. Alors aujourd'hui, on n'a pas totalement arrêté les choses, mais je pense que ça sera relativement ouvert, qu'il s'agisse d'associations, qu'il s'agisse d'individus portant un projet d'intérêt général. On peut pas financer des projets particuliers, bien évidemment. Mais ils peuvent commencer à y réfléchir. Je pense qu'à la rentrée, il y aura probablement le lancement de cette phase. Très bien. Alors la plateforme participative, on le rappelle, elle est effective depuis ce 15 mai. Vous pouvez la retrouver en allant sur internet jeparticipe.ville-du6amboise.fr. Et puis pour le premier vote, c'est jusqu'au 30 juin. Très bien, parfait. Vous avez été voir un petit peu quelle fréquentation il y avait jusqu'alors ? Pour l'instant, on doit être autour de 70 votes, mais il y a un petit peu plus de gens qui sont inscrits. Parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent sur la plateforme. Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme et ne pas voter parce que bon, voilà, vous pouvez ne pas être intéressé par ce vote-là, moins intéressé par le patrimoine. Mmh. Donc on a un peu plus d'inscrits, un certain nombre de votes. Après, on n'a pas d'objectif chiffré. Hein. L'objectif, c'est vraiment que les gens qui s'intéressent au patrimoine puissent se prononcer et puis de construire petit à petit cet outil pour qu'il touche de plus en plus de gens, mais sans avoir un objectif absolument chiffré dès le départ. On n'est pas parti là-dessus, on est parti sur... sur une volonté d'écoute et de prise en compte de la vie de tous. Et voilà. Ça commence, ça se passe pas trop mal. Et puis, on aura aussi des actions parce qu'il faut en parler. C'est l'objectif aujourd'hui de ma présence. Mais il faut qu'on diffuse de l'information. On fera sûrement aussi certaines permanences, peut-être au marché, pour informer les gens. Parce que forcément, il faut que ça se sache, il faut que les gens aient l'information. Oui. Donc, c'est des choses qui diffusent petit à petit. Ça commence pas mal, mais il faut bien évidemment qu'on puisse continuer. L'objectif, c'est quand même d'être un petit peu au-delà en termes de vote et en termes d'inscription. Très bien, bah écoutez, en tout cas, belle démarche de la part de la municipalité amboisienne que de proposer à ses citoyens de pouvoir être consultés sur des décisions telles que le nom de l'hôtel Morin, dont on connaîtra finalement le nom. Ça sera quand d'ailleurs ? Alors, l'objectif, c'était de pouvoir dévoiler le nom, ça sera fait, hein, au moment des Journées du patrimoine. Donc probablement le 21 septembre, on pourra donner le nouveau nom du musée qui sera abrité à l'hôtel Morin, mais ça ne sera pas le musée Hôtel Morin. Exact. Voilà. Très bien, merci Lionel Chisson. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire d'Amboise, délégué à la culture en premier lieu, mais également, et c'était l'objet aujourd'hui, à la démocratie participative. Merci beaucoup. Merci de votre présence. C'est la fin de ce mag. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. En attendant, restez bien à l'écoute des programmes sur Radioactive.